Vous m'emmerdez avec toutes vos tactiques, vos stratagèmes et votre dialectique. Que dans vos bras, je fasse moins le fier. Prouve juste que je vous tolère. Vous m'emmerdez avec vos girouettes, vos pleines lunes, vos retours de trompette. Quand dans vos bras, je suis moins téméraire. Je ferme les yeux, ça me tempère. Vous m'emmerdez avec votre ironie. Quand je vous oblitère, je ne suis pas brutal que pour vous satisfaire. Vous m'emmerdez par votre hypocrisie, vos sourires étudiés, vos compliments précis. Quand votre lit devient mon sanctuaire, vos baisers ont à vous bien amère. Vous m'emmerdez avec vos monologues qui manquent de fond et surtout d'épilogues. Les rivières d'eau salée que vous croyez sincères suintent en fait de ma colère. Vous m'emmerdez avec vos airs jolis, vos masques trompeurs et vos ongles vernis. Quand vous m'offrez ce qu'il y a de plus cher, je me fous bien de vos grands airs. Vous m'emmerdez avec les halètements, les morsures et les doutes sur le ment que vous m'avez si largement offert qu'ils ne peuvent plus être.